Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. Septième épisode. Mrs. Dean m'apprit qu'après avoir lu la lettre qu'il lui avait fait passer, Catherine reçut une visite clandestine de Heathcliff. Leur entrevue, mêlée d'amour destructeur et de passion rageuse, brûla les dernières forces de la jeune femme qui mourut le soir même en donnant naissance à une petite fille à laquelle on donna le prénom de sa mère. Edgar et Heathcliff, chacun à leur manière, chacun de leur côté, furent terrassés de douleur. Isabelle, la femme d'Heathcliff, en profita pour s'enfuir et accoucher, loin de son terrible mari, d'un petit garçon qu'elle prénomma Linton, de son nom de jeune fille, cherchant à le soustraire à tout lien avec son père. Il ne restait donc plus à Hurlevent que Heathcliff, fou de rage et de chagrin, et le tout jeune Ayrton Earnshaw. Orphelin et ayant perdu tous ses biens, le garçon se trouvait réduit à vivre dans sa propre maison comme un domestique. Mr. Lockwood, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, les 12 années qui suivirent cette triste période furent les plus heureuses de ma vie. Après les 6 premiers mois, notre petite Catherine poussa comme un mélèze et elle apprit à marcher ainsi qu'à parler à sa manière avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Mrs. Linton. C'était le plus irrésistible petit être qui eût jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée. De visage, une vraie beauté, avec les beaux yeux noirs des Earnshaw, mais le teint clair, la finesse des traits et les cheveux blonds et bouclés des Linton. Elle avait un tempérament fougueux, mais sans rudesse, et tempéré par un cœur sensible. Toutefois, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons. Une tendance à l'impertinence et cet entêtement pervers qu'acquièrent invariablement les enfants gâtés, qu'ils soient ou non d'un bon naturel. Je ne crois pas que son père lui ait jamais adressé un mot dur. Il se chargeait entièrement de son éducation. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle n'était jamais sortie seule de l'enceinte du parc. Pour elle, Gimmerton n'était qu'un nom. La chapelle, le seul édifice dont elle eût approché et où elle fut entrée. Hurlevent et Mr. Heathcliff n'existaient pas pour elle. Elle était parfaitement recluse et en apparence parfaitement satisfaite. Parfois, il est vrai, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre, elle me posait des questions. Nelly, dans combien de temps pourrais-je aller au sommet de ces collines? Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce la mer? Non, Miss Cathy. Ce sont encore des collines toutes pareilles à celle-ci. La dégringolade abrupte des rocs de Pennystone attirait particulièrement son attention, surtout quand le soleil couchant brillait sur eux. Pourquoi ces rochers dorés brillent-ils si longtemps après que la nuit est tombée ici? Parce qu'ils sont beaucoup plus hauts que nous, vous ne pourriez pas y grimper. Ils sont trop élevés et trop abrupts. En hiver, ils connaissent toujours le gel avant nous, et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige sous le creux noir de la face nord-est. Vous y avez été? Je pourrais donc y aller moi aussi quand je serai une femme. Est-ce que papa y est déjà monté, Nelly? Votre papa vous dirait, Miss, que cela ne vaut pas la peine d'une visite. Les landes où vous vous promenez avec lui sont beaucoup plus agréables. Et le parc du manoir est le plus bel endroit du monde. Mais je connais le parc et je ne connais pas ces rochers. Et comme j'aimerais regarder autour de moi du sommet de la plus haute pointe, mon poney m'y emmènera un jour. Comme je vous l'ai dit, Mr. Lockwood, Mrs. Isabelle Heathcliff, la sœur de mon maître, vécut plus de 12 ans après avoir quitté son mari. Elle écrivit à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis 4 mois, le suppliant de venir la voir, car elle désirait lui faire ses adieux et laisser son fils Linton en sûreté entre ses mains. Le père de l'enfant, elle voulait s'en convaincre, ne voudrait pas assumer la charge de son entretien ni de son éducation. Mon maître n'hésita pas un instant à accéder à sa requête. Recommandant la petite Catherine à ma vigilance pendant son absence, il partit pour Londres et resta 3 semaines absent. Aujourd'hui, j'étais un explorateur. Comme j'étais trop occupée et trop âgée désormais pour courir de ci de là afin d'amuser la jeune fille, je m'avisais d'une méthode qui lui permit de se divertir elle-même. Je l'envoyais faire des randonnées autour du domaine, tantôt à pied, tantôt à poney, et j'écoutais patiemment le récit de ses aventures réelles ou imaginaires quand elle s'en revenait. L'été naissant brillait de tout son éclat. Et elle prit tant de goût à ses vagabondages solitaires qu'elle restait souvent dehors du petit déjeuner jusqu'au thé. Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites du parc, car les grilles en étaient généralement fermées, et quand bien même elles auraient été grandes ouvertes, je pensais qu'elle ne risquait guère de s'aventurer seule au dehors. Malheureusement, ma confiance se révéla mal placée. Un matin, Catherine vint me trouver. Nelly, aujourd'hui je suis un marchand arabe, et je vais traverser le désert avec ma caravane. Tu dois me donner des vivres, et aussi de la nourriture pour mon cheval et mes 3 chameaux. Les 3 chameaux étaient en fait un grand chien de chasse et 2 chiens d'arrêt. Je rassemblai une bonne provision de friandises que je serrai dans un panier attaché d'un côté de la selle. Et elle sauta sur sa monture, radieuse comme une fée. Voilà, je vous ai mis du gâteau, hein? Allez. Évitez de galoper, Miss! Et n'oubliez pas de rentrer de bonne heure! Oui, oui! La coquine ne parut pas à l'heure du thé. Le chien de chasse s'en revint, mais ni Cathy, ni le poney, ni les 2 chiens d'arrêt n'apparaissaient nulle part. Je finis par me mettre à sa recherche. Je m'adressai à un paysan qui travaillait sur une clôture en bordure du domaine. Bonjour. Bonjour, Mrs. Dean. Avez-vous vu notre jeune maîtresse? Oui, je l'ai vue ce matin. Elle a voulu que je lui coupe une baguette de noisetier et elle a fait sauter son poney par-dessus la haie, là-bas, à l'endroit où c'est le moins haut, pour disparaître au galop. Tenez, passez par là. L'idée me vint aussitôt qu'elle avait dû partir pour les rocs de Pennystone. Je passais par une brèche que le paysan était en train de réparer et marchais jusqu'à ce qu'un tournant m'amena en vue de Hurlevent. Les rocs s'élevaient à 1,5 mille au-delà de la demeure de Mr. Heathcliff, qui est elle-même à 4 milles du manoir, de sorte que je commençais à craindre d'être surprise par la nuit avant d'y parvenir. Ce fut un prodigieux soulagement pour moi de remarquer, couché sous une fenêtre de la ferme, Charlie, le plus impétueux des 2 chiens d'arrêt, la tête enflée et une oreille en sang. Il y a quelqu'un ? C'est une femme que je connaissais et qui était servante à Hurlevent depuis la mort de Mr. Earnshaw qui m'ouvrit. Ah, Mrs. Dean, vous êtes venue chercher votre petite maîtresse ? Vous inquiétez pas, elle est ici en sûreté. Mais je suis heureuse que ce ne soit pas le maître. Oh, il n'est donc pas chez lui? Non, non. Lui et Joseph sont partis et je crois qu'ils ne reviendront pas d'ici 1 heure, pour le moins. J'entrai et je vis ma brebis perdue assise près de l'arbre. Oui, elle est là. En train de se balancer dans un petit fauteuil qui avait appartenu à sa mère du temps qu'elle était enfant. Elle semblait tout à fait chez elle, riant et babillant de la meilleure humeur du monde à l'adresse de Ayrton, maintenant un grand et fort gaillard de 18 ans, qui la regardait avec une curiosité et un étonnement considérable. Très bien, Miss. C'est votre dernière promenade à cheval jusqu'au retour de votre papa. Je ne vous laisserai plus franchir le seuil, méchante fille. Nelly, j'aurai une jolie histoire à raconter ce soir. Ainsi donc vous m'avez trouvée. Êtes-vous jamais venu ici de votre vie? Mettez ce chapeau, Miss Cathy, et rentrons à l'instant. Je suis terriblement fâchée contre vous. Voyons, soyez pas dure pour la gentille enfant, Mrs. Dean. C'est nous qui avons insisté pour qu'elle reste. Elle voulait continuer sa route de crainte de vous inquiéter. Où est votre poney, Miss? Et où est Phoenix? Je vais vous laisser si vous ne vous dépêchez pas. Minnie est dans la cour. Et Phoenix est enfermé ici. Il s'est fait mordre. Et Charlie aussi. Essayez de m'attraper si vous le pouvez, Nelly. Attrapez-moi. Tenez, Miss. Si vous saviez à qui appartient cette maison, vous seriez bien heureuse d'en sortir. Elle appartient à votre père, n'est-ce pas, Ayrton? Non. À qui alors? À votre maître? Mais qui est son maître, Nelly? Il a parlé de notre maison et de nos gens. Je croyais que c'était le fils du propriétaire. Allez, taisez-vous. Mettez votre châle. Ayrton devint sombre comme une nuée d'orage. Je secouai en silence ma questionneuse et je finis par réussir à l'équiper pour le départ. Maintenant, allez me chercher mon cheval. Mais dépêchez-vous, Ayrton. Qu'est-ce qu'il y a? Allez me chercher mon cheval, vous dis-je. Tu seras damné avant que je te serve de domestique. Je serai quoi? Damné, insolente sorcière. Voilà, Miss Cathy. Vous voyez dans quelle belle compagnie vous vous êtes fourrée et quel joli langage on vous tient. Je vous en prie, ne commencez pas à vous disputer avec lui. Venez, allons chercher Minnie nous-mêmes et partons. Mais Nelly, comment ose-t-il me parler ainsi? Ne faut-il pas le forcer à faire ce que je demande? Méchante créature, je rapporterai à papa ce que vous avez dit. Voilà! Vous, amenez le poney et délivrez mon chien à l'instant. Doucement, Miss. Vous ne perdrez rien à être poli. Si Mr. Ayrton que voici n'est pas le fils du maître, il est votre cousin. Quant à moi, j'ai jamais été payé pour vous servir. Lui, mon cousin? Mais oui. Oh, Nelly, ne leur laissez pas dire de pareilles choses. Papa est allé chercher mon cousin à Londres. Mon cousin est le fils d'un gentleman. Ça, mon... On peut avoir beaucoup de cousins et de toutes sortes, Miss Cathy, sans s'en porter plus mal. Simplement, on n'a pas besoin de les fréquenter s'ils sont désagréables et mal élevés. Ce n'est pas mon cousin. Après avoir récupéré le poney et les deux chiens, nous prîmes la route du retour, d'humeur aussi chagrine l'une que l'autre. J'eus beaucoup de mal à lui arracher la promesse qu'elle n'exposerait pas son grief à son père. Elle me donna sa parole. Elle m'a parlé si méchamment. Après tout, c'était une gentille petite. Une lettre bordée de noir annonça le retour de mon maître. Isabelle était morte. Il écrivait pour me dire de procurer des vêtements de deuil à sa fille, puis de préparer une chambre et de faire d'autres arrangements pour son jeune neveu. Catherine bondit de joie à l'idée de retrouver son père et s'abandonna aux prévisions les plus exaltées sur les qualités sans nombre de son vrai cousin. L'après-midi de leur arrivée vint enfin. Comme ils sont longs. Oh, les voilà, Nelly. Papa, enfin. Cathy. Papa. Oh, ma chérie. Tandis que Miss Cathy et son père échangeaient des caresses, je jetai un coup d'œil dans la voiture pour voir Linton. Il dormait dans un coin, enveloppé dans un épais manteau doublé de fourrure comme si l'on eût été en hiver. C'était un garçon pâle, délicat, efféminé, qu'on aurait pu prendre pour le frère cadet de mon maître tant il se ressemblait. Mais il y avait dans sa mine une maussaderie maladive qu'Edgar Linton n'avait jamais eue. Fermez la portière, Nelly, et ne le dérangez pas. Le voyage l'a fatigué. Je veux voir mon cousin. Plus tard, ma chérie. Non, sinon, occupe-toi des bagages. Mais c'est pas propre. Écoute-moi à présent, ma chérie. Ton cousin n'est ni aussi fort, ni aussi joyeux que toi, et il y a très peu de temps qu'il a perdu sa mère. Ne l'oublie pas. Ne le harcèle pas trop de paroles. Laisse-le tranquille ce soir au moins, veux-tu? Oui, oui, papa. Mais je voudrais bien le voir. Linton, voici ta cousine Cathy. Elle t'aime déjà. Tâche d'être joyeux à présent. Le voyage est terminé et tu n'as rien d'autre à faire qu'à te reposer et t'amuser comme il te plaira. Laissez-moi aller me coucher alors. Rentrons. Quand nous fûmes tous entrés, nous montâmes à la bibliothèque et je servis du thé. Linton se traîna lentement jusqu'au sofa où il s'étendit. Cathy posa un tabouret et sa tasse à côté de lui. Tout d'abord, elle resta assise en silence, mais comme elle avait résolu d'apprivoiser son petit cousin, elle se mit à caresser ses boucles, à lui baiser la joue et à lui offrir du thé dans sa soucoupe comme elle aurait fait à un bébé. Il se sécha les yeux et un faible sourire éclaira son visage. Tout s'arrangera. Tout s'arrangera si nous pouvons le garder, Nelly. La compagnie d'une enfant de son âge lui communiquera bientôt une ardeur nouvelle et à force de vouloir être vigoureux, il le deviendra. Oui, si nous pouvons le garder, pensais-je à part moi. Dans le cas contraire, comment cette faible créature vivrait-elle à Hurlevent entre son père et Ayrton? Quelle compagnie et quels exemples pour lui! Nos doutes furent vite dissipés, plutôt même que je m'y attendais. Je venais d'emmener les enfants se coucher et je me tenais devant la table, dans le vestibule, en train d'allumer une bougie pour la chambre à coucher de Mr. Edgar. Le domestique de Mr. Heathcliff est à la porte et désire parler au maître, Mrs. Dean. Je ne pense pas que le maître puisse le recevoir. Bonsoir, Joseph. Quelle affaire vous amène ici ce soir? C'est à maître Linton que j'aille à parler. Mr. Linton est en train de se coucher. Vous feriez mieux de vous asseoir ici et de me confier votre message. Où est-ce qu'elle est, sa chambre? Attendez. Je vis qu'il était décidé à refuser ma médiation, sur quoi, fort à contre-cœur, je montai dans la bibliothèque et j'annonçai le visiteur intempestif à mon maître. Mais Joseph m'avait suivi et il fit irruption dans la pièce. Heathcliff m'a envoyé chercher son gars. Je ne devais point m'en retourner sans lui. Edgar Linton garda une minute le silence. Une expression de chagrin extrême se répandit sur ses traits. Dites à Mr. Heathcliff que son fils ira à Hurlevent demain. Il est couché et est trop fatigué pour faire le trajet maintenant. Nenny, Heathcliff, il veut son gars. Et je devais l'emmener. Eh bien, vous me l'en fixez. Vous ne l'emmènerez pas ce soir. Descendez, immédiatement, et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit. Allez. Très bien. Et demain, il viendra lui-même. Et vous le mettrez dehors, lui, si vous osez. Le lendemain, de bonne heure, Mr. Linton me chargea d'emmener l'enfant à Hurlevent sur le poney de Catherine. Comme nous n'aurons plus d'influence sur sa destinée, bonne ou mauvaise, ne dites pas à ma fille où il est allé. Dites-lui simplement que son père l'a envoyé chercher subitement et qu'il a dû nous quitter. Très bien, monsieur. Linton montra beaucoup de répugnance à être tiré de son lit à 5 heures du matin et non moins de surprise à apprendre qu'il devait se préparer à voyager encore. Levez-vous. Vous. Vous allez passer quelque temps chez votre père, Mr. Heathcliff, lequel désirait tant vous voir qu'il n'a pas voulu différer ce plaisir. Mon père? Maman ne m'a jamais dit que j'avais un père. Où demeure-t-il? Je préférerais rester avec mon oncle. Il demeure à peu de distance du manoir, juste par-delà les collines. Pas si loin que vous ne puissiez venir ici à pied quand vous aurez repris des forces. Et vous devriez être content d'aller chez vous et de le voir. Il faut vous efforcer de l'aimer comme vous aimez votre mère. Et alors il vous aimera. Mais pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui plus tôt? Pourquoi maman et lui ne vivaient-ils pas ensemble comme font les autres gens? La avait des affaires qu'il retenait dans le nord et la santé de votre mère exigeait qu'elle habitât dans le sud. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de lui? Elle parlait souvent de mon oncle et il y a longtemps que j'ai appris à l'aimer. Comment aimerais-je papa? Je ne le connais pas. Oh! Tous les enfants aiment leurs parents. Allez, attendez-moi. Nous nous mîmes bientôt en route, après maintes assurances trompeuses que son absence serait courte, que Mr. Edgar et Cathy viendraient le voir, et bien d'autres promesses que j'inventais et répétais de temps à autre en chemin. L'air pur qui fleurait la bruyère, le brillant soleil et le pas agréable de Minnie atténuèrent peu à peu son abattement. Comment est mon père ? Est-il aussi jeune et aussi beau que mon oncle ? Il est aussi jeune, mais il a les cheveux et les yeux noirs, et il a l'air plus sévère. Il ne vous paraîtra peut-être pas aussi gentil ni aussi bon, pour commencer, parce que ce n'est pas là sa façon d'être. Mais ayez soin malgré tout d'être franc et cordial avec lui. Et tout naturellement, il vous aimera mieux que ne le ferait aucun oncle, puisque vous êtes son propre enfant. Les cheveux et les yeux noirs. Alors je ne lui ressemble guère, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Pas un brin, pensais-je en considérant avec regret le teint blanc et la frêle charpente de l'enfant, ainsi que ses grands yeux languides. Il s'absorba dans ses pensées pendant le reste de la randonnée, jusqu'au moment où nous fîmes halte devant la barrière de la ferme. On est arrivé. Descendez de poney, Mr. Linton. Il était 6h30. La famille venait d'achever son petit déjeuner. Hé, hey Nelly, je craignais d'être obligé de venir chercher mon bien moi-même. Vous l'avez donc amené. Voyons ce que nous pourrons en faire. Eh ben, pour sûr, Mr. Edgar a fait un troc avec vous, maître. Et c'est sa fille que vous avez là devant vous. Dieu, quelle beauté, quelle charmante, quelle délicieuse créature. On l'a nourri d'escargots et de petits laits, Nelly, non? Ah, oh, Dieu, madame, il est encore pire que je ne m'y attendais. Allez, viens, viens ici, viens là. Viens, paix. Mais nous n'allons pas te manger, Linton. N'est-ce pas ainsi qu'on t'appelle? Tu es bien le fils de ta mère, des pieds à la tête. En quoi tiens-tu de moi, poulet piailleur? Me connais-tu? Non. Tu as entendu parler de moi, je suppose? Non. Non? Quelle honte pour ta mère de n'avoir jamais éveillé ta piété filiale à mon égard. Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose. Tu es mon fils. Allons, sois un bon garçon et ça marchera entre nous. Allez, va t'asseoir. Oh, Nelly, si vous êtes fatiguée, vous pouvez vous asseoir, sinon retournez chez vous. Bien. J'espère que vous serez bon pour l'enfant, Mr. Heathcliff. Sans quoi vous ne le garderez pas longtemps. Je serai très bon pour lui, n'ayez crainte. Et pour commencer mes bontés, Joseph, apportez à ce garçon de quoi déjeuner. Il reste plus grand chose. Ayrton, donnez-vous Rick, va-t'en à ton travail. J'y vais. Oui, Nelly. Mon fils est le futur héritier de votre domaine. Et je ne voudrais pas qu'il mourût avant d'être certain de recueillir sa succession. En outre, il est à moi. Et je veux jouir du triomphe de voir mon descendant maître légitime de leurs biens. Mon enfant embauchant leurs enfants pour labourer les terres de leur père. C'est la seule considération qui me fasse tolérer ce chiot. Mais cette considération est suffisante. Il est autant en sûreté avec moi, il recevra des soins aussi attentifs que la progéniture de votre maître. J'ai tout arrangé pour faire de lui un monsieur et le supérieur de ceux qui l'entourent. Je regrette toutefois qu'il mérite si peu cette peine. Si je souhaitais un bonheur en ce monde, c'était de trouver en lui un digne sujet de fierté. Je suis amèrement déçu de ce misérable pleurnicheur à face de papier mâché. N'ayant pas d'excuses pour m'attarder plus longtemps, je me faufilais dehors. Millington était trop sur le qui-vive pour se laisser abuser. Au revoir. Non, Nelly, je ne veux pas rester ici, Nelly, partez pas. Chut, je ne veux pas rester ici. Nelly, soyez sage, soyez sage. Nelly, cherchez-toi. Nous eûmes bien du tracas avec la petite Catherine ce jour-là. Quand elle apprit que son cousin était parti, ce furent des larmes et des lamentations si passionnées que Mr. Edgar fut obligé de la calmer lui-même en affirmant que l'enfant reviendrait bientôt. Cette promesse l'apaisa médiocrement. Mais le temps eut plus de pouvoir, et bien qu'elle demanda de temps en temps à son père quand Linton reviendrait, les traits de son cousin finirent par s'estomper doucement de sa mémoire. Hurlevent, d'Emily Brontë. Septième épisode. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean. Guillaume Durieux, Heathcliff. Laurent Cléry, Lockwood. Leslie Menu, Catherine. Jean-Claude Frissong, Joseph. Sylvain de Guillaume, Ayrton. Arnaud Aldiger, Edgar Linton. Arsène Jouet, Linton Enfant. Sébastien Faglin, Le Paysan. Christine Pignet, La Servante de Hurlevent. Jeanne Carillon, La Servante du Manoir. Et les voix de Serge Roumi et Paul Noyer. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet, violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.